enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Pour supporter, le difficile, et l'inutile, Là, si on envoie tous les touristes avant, je tiens à préciser bonjour, bonsoir, bonsoir, mes petits canards qui dansent dans le bar en se secouant les rindindins et font pain. Bonsoir, mes amis. Si mon son, notre vote là, non, mais si le son semble étrange, c'est parce que pour l'occasion, ce soir, pour la première fois, j'utilise un micro de batterie. Parce que je reçois un batteur. Conception! Elle avait besoin d'affection. Concubine. Hey, c'est vrai, c'est rare. Merci de me. C'est rare de voir une concubine en prison pendant que le gars, lui, il est à l'extérieur de la prison. Normalement, c'est l'inverse, hein? Petite fille aime bien les durs à cuire, là. Oui. Ça, c'est la voix de la fille, imagine-toi. Et moi, là, mon camarade, mon amoureux, je l'aime comme mon steak, saignant, dur à cuire. Je vais pas le tourner, là. Quand je vais sortir de prison, parce que ça fait 26 ans que je suis en prison, moi. Je m'appelle Gaétan. Pas Gaétan, Gaétan. Gay. Non, je suis pas encore devenu, même si c'est en prison. Oh! Entre filles, là. Oh là là là là là! On se cultive la pantoufle. Oh là là là là là! Moi je viens de B2B. Moi je viens de B2B. Moi j'ai de la B2B. Moi j'ai de la B2B. T'as-tu dit oui? Tu t'es marié avec lui? Ah mon, il s'est marié avec Raoul. Raoul Brisebois, le fils du colonel. Colonel, pas celui-là. Non, pas celui-là. Non, il est mécanicien, puis il n'est surtout pas bon à s'en lécher les doigts. Oh là là là là. Puis les micros de batteur, comment vous trouvez ça, public? J'ai acheté ça, moi là. Je l'ai déjà mentionné pour les habitués. Plusieurs femmes aiment acheter des sacoches, des sacs à main. Plusieurs hommes aiment s'acheter de la bière. Mais moi, c'est des micros. J'aime ça m'acheter des micros. Sur eBay, n'importe quelle sorte de micro. Mais des micros qui fonctionnent sur mon... Êtes-vous initié en mode XLR? XLR, ça, c'est un branchement tout à fait spatial. Tu peux brancher ça après ta soucoupe volante, tu pars, là. Oui. Là, tu te retrouves dans les toilettes. Nous sommes en direct des toilettes de ma soucoupe. Ma soucoupe. Ça, c'est pour mon épouse. J'arrête de faire la soucoupe, puis là, elle regarde. Elle regarde n'importe quoi. Et elle fixe. Elle fixe. Puis ça, c'est. J'ai tout rénové ma salle de bain pour faire des belles chansons. Parce qu'anciennement, il n'y avait pas de reverberator. Il n'y avait pas de reverberator. On allait dans les. Et ça, c'est pas une blague, là. On allait dans les toilettes, dans les cabinets d'aisance pour recréer le côté où l'écho était mis de l'avant, sans Gilbert. Je l'ai fait sans Gilbert. Par exemple, on y va. Donnez-moi des roses, mademoiselle, car j'ai rendez-vous, c'est très important. Choisissez-moi. J'ai la tête dans la cuve. Et ça souffre de malpropreté. Raymond, je t'avais demandé de mettre de l'eau de Javel. Javel de blues. Javel de blues, t'es trop jalouse. Puis, il a oublié. Effectivement, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Mais il reste une senteur, n'ose pas le dire, n'ose pas prononcer ce qui te venait au tympan nasal. Là, je sais, là, les petites étudiantes, les petits étudiants en médecine, ça se peut pas. Ça se peut pas. Tout se peut. Ça dépend d'une chose, et la plus importante, ça dépend de l'imagination. Imaginez! On oubliait ça aujourd'hui, hein? La télévision a retiré de l'esprit, de l'aspect cognitif du genre humain, le côté imaginatif. C'est pour ça que quand on voit un créateur, on dit « Il y a une hésitation! Un être en voie de disparition! » Un créateur qui a encore plein d'idées dans sa tête. Pas juste des images préfabriquées, là. Pas juste du négatif. Pas juste du sale, du puant, du sang. Ça, c'est, non, mais ça s'entend. Il y a un micro de batteur. Ça bat les œufs numéro. C'est, le blanc, ça fait monter. Laisse monter. Laisse monter, américain, laisse monter, de la facture. Ça va vous coûter, monsieur Gaétan, 66$ et 66 cents. Mais comme les scènes noires n'existent plus, ça vous coûtera 66$ et 65 cents. Payable en argent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous êtes bien gentil. OK, c'est ça que ça voulait faire. Mais je croyais pas que ça allait. On s'excuse, madame. Vos tympans sont-ils... C'est cette émission-là. C'est-tu un magnéto fou? La folie est à nos pas. Est à l'orée. Loli, loli, toi Luna, mon ami. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté. C'est pour ça qu'on dirait que j'ai la turlute facile. Mais. La turlute des années dures. Ça, c'est un film de l'ONF. Connaissez-vous l'ONF? Ça fait pitié aujourd'hui, l'ONF, mais à l'époque, dans les années 60-70, c'est la BD était... On était fort en bande dessinée, nous. Puis l'abbé Prou qui se promenait avec sa caméra, c'est un malade. Ben, excusez-moi, monsieur l'abbé. Mais c'est un fou d'image, l'abbé Prou. Et ça nous a fait, sans le savoir, là, parce que dans le monde de la création, les vrais, les puristes, là, même pas les puristes, les vrais, les gens qui n'ont pas une visée dans le futur font ça par passion et par générosité de communiquer l'imaginaire qui eux détiennent à l'intérieur du cervelet qui leur sert de cerveau. Ça a-tu fonctionné, si je vous le dis, madame? La compréhension est-elle encore à l'oreille? On va lâcher l'oreille. Mais pas Lou Reed! L'excellent Lou Reed qui était membre de ses membres, là, de ses deux bras, ses deux jambes, puis même que Lou Reed, là, pour jouer de la guitare, là, personne ne le sait. Là. Je vous avise que la semaine prochaine, dans les médias, ils vont lâcher le morceau. Lâche le morceau! Lou Reed. Contrairement à Clapton, qui n'est pas un grand musicien, un grand guitariste, Eric Clapton. Oui, la Clapton, quand tu la dilues, c'est plus une soupe, ça devient plus une soupe, là, la Clapton, ça devient de l'eau minérale. Comme Clapton, on s'attend d'entendre du bon blues. Ça fait peur. Et puis tu te rends compte que c'est un charlatan. C'est un charlatan. Mais le vrai, c'est Lou Reed. Le gars, là, dans 72 heures, on va reprendre l'affaire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y avait trois bras. Un bras droit et deux bras gauches. C'est pour ça qu'il jouait avec... Il y avait un sens du manche, lui. Lui, il traversait la manche en moins de 30 secondes. Avec trois bras, là, mais il tournait en rond. Hein, fait qu'il traversait, mais il revenait après. Fring, fring, fring, fring, fring, fring. Il faisait la toupie. Comme Toupie Goldberg. L'humoriste Toupie. Voulez-vous qu'on change de micro, madame, pour voir la différence? Ouais? Êtes-vous curieuse? Attendez, on vous revient. On est revenu. Hey, il y en a une belle différence, hein? Là, on a lâché la si bémol, puis on est arrivé avec la si bien dure. C'est bien dur à détruire la planète. Tu trouves pas qu'elle est assez détruite de même, mon rosaire? Ah, ben là, écoute, moi, te mettre au diapason. Oh, comme on dit dans le milieu de la musique, comme on essaye de dire. On essaye de. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi, et puis on arrive à pas grand-chose. Quand j'ai essayé à l'époque de jouer la guitare comme, pas Eric Clapton, Lou Reed, je me suis rendu compte qu'après ma guitare, si je poserais des cordes, ça jouerait bien mieux. Mais beau taper dessus, là, mais... On n'est pas violent, nous. On tape sur les batteurs, là, les drummers. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez entendre mon invité qui va parler uniquement de gars qui jouent de la batterie. J'en connais des filles, moi, qui... leur mari, leur chum passe par là. Ça fait des vendredis bien épicés. Là. Oh! Après, il rentre canadienne à 2h du matin. Là. Oh, c'est merveilleux. Les urgences se remplissent. Mais ça, c'est... Mais je veux dire, les urgences, là, dans le sens de urgent besoin de musique, pas urgence hospitalière, parce qu'elle n'est pas très, très hospitalière, l'urgence, là. Hey, tu rentres, là, à l'hôpital, au moment le plus critique, quand tu rentres, c'est vraiment pas les soins bien pensifs, là, c'est pas les gens comme le rodeur de Bodin, là, il réfléchit, là, la tête, le poing sur la tête, mais non, sur les tempes. Les tempes du haut, du front. Les tempes du front. Là, il est là. Je ne reconnais plus la même manière. My? Oui. Oui, on vient nous... Oui, oui, attendez. Oui, madame, approchez-vous du micro. Oui, allô, monsieur. Bonjour, madame. Ça va? Oui, allô, monsieur. Oui. Êtes-vous à l'écoute depuis le début de l'émission? Allô? Oui. OK, vous êtes à l'écoute depuis le début de l'émission? Oui. Comment vous trouvez ça? C'est quand même assez particulier, hein? Oui. Pas de poulet. Moi, j'en ai ras-le-bol de la chair blanche. Chair blanche, à un moment donné, ça n'a plus de saveur. Bien beau mettre de la sauce, là, béchamel. Aimez-vous ça, vous, la soupe béchamel? Oui. Mais il faut réussir, hein? En pot, c'est pas très bon. Oui. Pas en quarantaine, mais les petites cannes. Oui. Les grosses cannes aussi, hein? Oui. L'hiver passe, là, quand tu montes le printemps, les tes petites cannes ou tes grosses cannes qui ont passé l'hiver dans du vent. Quand t'appelles ça, dans du lainage. Oui. En avez-vous du lainage, vous? Oui. Moi, mais je souffre, je vais vous dire, là, on est comme on est. On est entre nous. Et je souffre d'insécurité, les nerfs. Ah, quand les nerfs anérés, la mer est un marmin de mire. Ah, comme la nerf anérée, vive le marmin de rire. Mais, moi, c'est la laine. Je veux de la laine, j'aime ça, de l'hiver, là. C'est comme la soupe à l'oignon, il me faut de la laine. Pas de laine, pas de soupe à l'oignon, pas d'hiver. Je peux pas envisager. Puis là, je mets plusieurs visages là-dessus. Je mets un paysage de visages. Mais les plus beaux du monde. Ah! Oh. Et hey, puis à Charlebourg, là, dans la ville de Charlebourg à Québec, il y a de la belle fille. Je voulais le dire ouvertement. Il y a de la super belle nanas. Excusez-moi. Elle demande quand même une certaine notoriété de la belle fille. Si tu la compares, parce qu'on va comparer la fille de Charlebourg avec la fille du Vieux-Québec, mais dans la basse ville, pas dans la haute ville. Là. Dans la basse ville, qui est quand même... Ça reste de la fille de la basse ville du Vieux-Québec. Là, mais hey, Charlebourg, c'est un choix là, de se dire au niveau de la fille, là, si je me place à son cortex cérébral. T'as compris? La comprenez-vous, madame? Oui. Hey, excusez-moi, madame, si je vous dis hey, hein? Oui. Parce que je vous avais oublié au bout du fil. Oui. Vous-même, vous êtes comme assoupi, hein? Oui. Moi, je vous conseille, hein, de vous rester droite parce que sinon, ça va plisser si vous assoupissez. Restez droite. Un peu comme un militaire, là, mais sans la coupe militaire. Sans la violence non plus qui peut caractériser. Allô? Et, madame? Oui? Vous pensez que vous preniez un choc électrique, hein? Oui? Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Avec moi, là, il n'y en a pas de choc. Oui, il y a un choc, là. Tu te places, tu restes devant ta radio, tu te dis, hein, qu'est-ce que c'est ça, fait là? C'est quoi, elle? Ma radio, c'est quoi, elle? Eh oui, madame. Oui. Ben oui. Aimez-vous ça? Oui. Oh, vous êtes bien gentil. On vous réveille pas, j'espère. Oui. Parce que, oui, à minuit 20, là, placez-vous votre réveil au 89.1. Oui. Et ça réveille étrange, hein? À minuit, là, tu... Oui. Oh! Mais c'est une expérience psychédélique. Oui. Aimez-vous ça, vous, le psychédélique? Oui. Connaissez-vous ça, au moins? Oui. Ah oui, oh. Michel Louvain, c'est un gars psychédélique. Oui. Vous avez raison. Eh, monsieur de monsieur. Oui, je ne suis pas certain quand j'écoute la dame en bleu, si la dame est vraiment en bleu ou en bleu métallique. Je suis amoureux de la dame en bleu métallique. Toi-même m'as reconnu. Tu m'as dit des touches. Hein? Oh, c'est merveilleux. On dirait que c'est le vrai, hein? Hey, on devrait mettre ça quand il se produira la prochaine fois. Là. Mettez du diapason, mettez du diapason et pom pom pom, le voilà perdu. Revenons à nous, à nos moutons. La laine, ça me décourage. Si je pense pas, c'est mon côté sans doute insomniaque. Ben oui, je suis insomniaque depuis au moins 30 ans. Je dors plus, j'ai l'œil tout le temps ouvert. Je scanne l'horizon. Nuit et jour, à tout venant, je scanne. Vous dirigez vers où? Vers les profondeurs de la nuit. Oh, avec ou sans Céline. Pas Céline, là. La Céline. L'autre, l'écrivain. La nuit. La nuit, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le vent, le Non, c'est quoi dans lui? Auguste Céline. Oh, tout Seigneur. Quelle horreur. Mais au bout de la nuit, au bout du trou nocturne. C'est un médecin, ce gars-là, hein, Céline? Pas l'autre, là, pas. Non, l'autre, là, l'écrivain. Alors, Monsieur le Président. Monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, je commence à trouver ça plaisant. Ma nouvelle grille, parce que là, vous vous dites, ouais, mais c'est toujours le vendredi à minuit. Oui, mais je fais mes envolées intellectuelles le lendemain, quand pendant bien des années, je le faisais la veille. C'est-tu assez clair, ça? C'est-tu assez clair? C'est-tu assez clair? C'est-tu assez clair? Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, madame les voluptés, et vous, la semaine prochaine, pas de réverbération, je vous le jure. Pas de réverbération. Parce que là, imaginez-vous tous les techniciens de CKRL qui sont là devant la console. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On a du matériel nouveau, de la haute résolution, puis il vient nous aplatir tout ça, l'imbécile. Ben oui. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents, résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Tourne les feuilles. Madame, êtes-vous encore là? Allô? Madame? Voyons. Madame? Ouvre le cellulaire, Madame Béra. Allô? Oh, vous êtes... Oh! Je pensais... Je croyais... Non, on pense plus depuis... Je le répète aux autres, puis je me coince dans ma trappe. Parce que chez nous, une trappe, c'est une bouche. Ferme ta trappe! Tu viens de à l'époque, hein? Ta mère disait ferme. Moi, jamais, là. Jamais, jamais, jamais. Je parlais pas, moi. J'étais silencieux. Je faisais des fusées miniatures. Là, je me rattrape. Mais les mères disent ferme ta trappe. Ah ouais, ferme ta trappe, là. Arrête de parler. Ferme ta trappe. Une bouche est une trappe. Là, il y en a plusieurs encore aujourd'hui. Ils font pas la différence entre une bouche et une gueule. Ferme ta gueule. Non, non. Une gueule. Je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Je sais que vous le saviez, madame, vous le saviez. J'en suis fort aise. Et bien marché maintenant. Mais avec votre nouvelle prothèse, Denise, t'es belle avec ta prothèse. Tu l'as-tu fait bénir? Non. Enfin, j'espère que Dieu te protège. Hein? Ouais. Ouais. OK. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, entre la gueule et la bouche. La bouche. Tu prends un instrument pour amener la nourriture à ta gueule quand tu as une bouche. Mais quand tu as une gueule, c'est la gueule qui va chercher la nourriture. OK? Il n'y a pas d'intermédiaire. Là. Il n'y a pas de lien. Là, soit la fourchette, manger une soupe au couteau, essayer ça. Hey, deux semaines plus tard, il se balbutie. Et allez, puis il va. Faut vous dire, monsieur, que chez parce que t'évoques Jacques Babel. Jacques Babel se retourne dans sa tombe. Car monsieur, chez ces gens-là, ça ne cause pas. Ça ne cause pas. Ça compte. Une pièce, deux pièces, trois pièces. Mais j'ai acheté une épicerie, moi. Je fais de l'argent, mais je travaille 550 heures par semaine, mais je fais de l'argent, je fais de l'argent. Quand je vais mourir, le tombeau va être bourré. Les jeunes veulent plus travailler, là. Ils veulent faire des loisirs. Ils veulent être en mode loisir. Ils veulent être en mode loisir et une perpétuelle. C'est du latin, ça, madame. Ça veut dire ils veulent être dans les loisirs jusqu'à une vitam purperman. Le travail, c'est pas pour eux, là. Travailler, c'est trop dur. Aimer, c'est pas beau. Demander de l'âge à l'idée. Cinq jours, je veux pas faire. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal de Lenéant, gagne. Aujourd'hui, le vendredi 4 décembre 2015, décembre, là, tu vas te casser la gueule, là, c'est Noël qui arrive, là, dans quelques semaines. Noël, on va-tu en faire des anti-Noël? On va en faire un antidote à Noël. Peut-être m'a proposé une émission. Peut-être. Une chose est sûre, la nouvelle année, ça va se passer à Errance Rénaldienne. Bon. Sinon, on va faire ça tout seul dans ma chambre avec un micro fermé. Ça me dérange pas, regarde, la maladie manteau, moi, les manteaux, là, les manteaux, l'hiver, c'est chaud. Vive les maladies manteaux en hiver. Ça rend marteau, mais le génie, ça a des marteaux, mais il y a des fois que ça rend marteau. Hein, Serge? Hein? Aujourd'hui, le vendredi 4 décembre 2015, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Je me rends compte, là, en changeant d'emploi, que je dois faire attention. Là, parce qu'on ne me connaît pas sur un jour. On me connaît sur un bonjour, ça va bien? Oui. Ben oui. Voulez-vous un petit sac? Un petit sac. Tabarnouche. Oui, bon. Vous allez dans vos menottes? Bon. Hey, vous avez 18 articles. Comment vous allez faire? Vous allez manger ici en direct? Oh, hey, la dame, on te met ça sur le tapis roulant. OK, on lui déplace ses articles. Puis elle mangerait ça dans l'épicerie. Oh. Je l'ai aidé un peu, surtout dans le spaghetti pas cuit. Ah, moi, j'aime ça, le spaghetti pas cuit. C'est pas al dente, hein? Non, c'est surtout pas parce qu'al dente, c'est cuit, mais croustillant encore. Mais là, c'est juste croustillant. C'est comme si tu mangeais du riz pas cuit. Aujourd'hui, le vendredi, on l'a dit, laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour du batteur, celui qui joue de la batterie, mais du musicien improbable pour lieu sans improbable. En tout cas, ce que je veux vous dire, là, c'est que Fred Lopez, c'est mon ami. Il ne sait pas, là, mais c'est mon ami. Et je suis allé sur un site, puis vous savez comment les Français sont friands de... du côté anglo-saxon. Imaginez-vous, je suis allé sur leur site officiel, et c'était uniquement en anglais. Et ça ressemble à ça. Fred is co-founder of the show. Ça, c'est le nom du groupe, The Show. Together, puis je ne suis pas encore très chaud, madame. Je me prépare. Tout chaud. Together with his friend Damien Schmidt. En anglais, c'est bon. He studied percussion at the Conservatory of the La Rochelle in the age of 16. Hein? Sweet 16. Sweet 16. 16. He joined. Oh, il fumait des joints déjà. In the joint. The American School. Ah, c'est pour ça, l'American School. Of Paris to study jazz and piano. He has Thunder with Tone Conda, Jane Mass. Ah oui, Jane Mass. Il a travaillé avec Jane Mass. Ricky Martin, ça, il l'oublie. Ricky Martin, je ne connais pas. Ricky Martin et Zap Mama, Olin Caressi, Adrian Farrow, Ratchet Barry, Lindy Mart, Michael Fagan, Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans vos hôtels. Et puis, dans Microphone Group, We collaboration, Pippo Martino. Alors, en français, parce que j'ai fait traduire là, par goggle.fr, Fred est cofondateur de l'émission, mais ce n'est pas une émission, c'est le nom du groupe, qui s'appelle The Show, avec son ami Damien Schmidt. Il a étudié la percussion au conservatoire de La Rochelle et à l'âge de 16 ans. Je vous lis ce qu'il m'a traduit, lui, là. Il rejoint l'American School of Paris pour étudier le jazz et le piano. C'est pas si bien, c'est quand même très bien. Il a fait des tournées avec Touré Gonga. Bon, on aime tout le monde. Puis ils disent piano. Et voilà. C'est mon ami que j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps. Vous vous rappelez, au temps de la guignole, de la dentelle. On se foutait le dedans pathétique en juillet 2015. Ray Ray, le dégénéré, le trouble fête de CKRL, la première radio associative francophone au monde, se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet être. Et là, quand je parle de cet être, c'est de Fred Lopez. Cet être exceptionnellement généreux, au rire communicateur. Hey, la preuve, la preuve. Chaleur. Top. Mais attends, ça va être 35 aujourd'hui. Oh ouais, aujourd'hui, puis de cette semaine, 40. Oui. Ça a monté. Ouais. Tu restes combien de temps à Paris? Moi, je m'en vais samedi. Il y a une semaine, donc. 8 jours. C'est cool. Oui. Ah oui, 8 jours, 45 rencontres. Ouais, la vie est belle. Oui, ouais, super. Ah oui, très, très en mouvement. Ah bah oui. T'es arrivé quand? Je suis arrivé vendredi. Donc, ça fait 2 jours, ouais. Oui, et ça fait déjà 10 rencontres. Ah ouais? Mais t'as-tu vu sur mon Facebook toutes les photos? J'ai vu là, ce matin, vite fait, j'ai vu photo ici, faire les cons ici. C'est toujours dans ce quartier ici, hein? Bah ouais, ouais. Sauf tu que fais... là, je vais me déplacer pour rencontrer. Voyons, le parolier de Vachogne, Jean-Paul. Ouais. Ah, cool! Ouais, t'as rencontré qui pour l'instant? dans les connus. Ouais. Dans les connus, j'ai rencontré Brad Scott. Ouais. Que j'ai rencontré, c'est la troisième fois, que j'ai rencontré aussi à Montréal. Ouais. Après, j'ai rencontré Yann Péchin, je ne sais pas si tu connais. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben écoute, Yann Péchin, Brad Scott, musicien pour Bachung, pour Higelin, pour Brigitte Fontaine. Ah, d'accord. Ouais. OK. Et plein d'autres, Elina qui est une comédienne qui vient de la Bureau, qui est dans la SDF. Je sais pas si tu connais. Non. Qui a écrit un livre chez Flammarion et qui par la suite a monté une pièce de théâtre sur ce livre-là. Et aujourd'hui, elle joue ici à Pigalle. Mm-hmm. Et plein de choses. J'ai rencontré plein de personnes intéressantes. Une peintre. Catherine Gentil. Elle m'a amené une toile, une sublime toile. Wow! Ah oui. Et donc, plein de personnes, autant au niveau musical, tu touches un peu à tous les arts, en fait. C'est les arts en général. Ouais, c'est ça, ouais. Et je suis très content de te voir, parce que ça fait longtemps que j'ai essayé de mettre la main sur le musicien, mais t'es souvent un peu partout, t'es demandé quand même... Je bosse bien, ça va, c'est cool. Mais là, ça va de mieux en mieux. Ouais, ça va. Qu'est-ce qui a déclenché ça, tu vois? Qu'est-ce qui a déclenché ça? J'ai toujours bien bossé, j'ai de la chance, je fais partie des chanceux. Okay. C'est ma vie en fait, donc je fais partie des chanceux. Mais il y a maintenant 10 ans, j'ai rencontré Adrien Ferraud, tu vois. Donc voilà, c'est devenu mon meilleur ami avec Michael Lecoq. Oui. Et en fait, on a fait un trio tous les trois et on a vécu ensemble pendant 10 ans. Donc on a fait les 400 coups, Lecoq, on était en coloc et Ferraud venait chez nous tout le temps. On vivait ensemble, on répétait, on bossait, on s'appelait la nuit, on sortait, on allait bouffer. Et en fait, ça a généré une dynamique de travail incroyable. Remise en question, dynamique de travail. Et le trio a avancé pendant 10 ans. On faisait peur à tout le monde. On arrivait dans les clubs, nous on en avait rien à foutre. On arrivait, on jouait à 3 à fond. Tout le temps. Bonjour. Je vais prendre un... vous avez de l'eau pétillante, une grande. C'est cool. Ouais, cool. Et on peut manger. Oh, c'est génial. Ça te gêne pas si mon déj en même temps? Mais surtout que ton jus, ça risque d'être la grosseur. Ah ouais, il faut une grande bouteille d'eau là. Et en fait, ça a généré une dynamique incroyable, tu vois, c'était monstrueux. Et du coup, par rapport à ça, on s'est retrouvé à jouer avec plein de gens. Adrien qui est parti vivre à Los Angeles, dès qu'il y avait des Américains qui venaient en France, il disait « Qu'est-ce qu'on fait? On va voir qui ?» Il disait « Appelle Fred !» Donc les mecs, ils m'appelaient, donc j'ai rencontré tout le monde et je me suis retrouvé à jouer avec tout le monde. Et les mecs, maintenant, ils m'appellent dès que pour savoir « Mais il y a quoi ce soir ?»« Est-ce que t'es libre ? Est-ce que t'as quelque chose ?»« Alors qu'est-ce qui se passe ce soir à Paris ?»« Machin, il n'y a pas un truc qu'on peut jouer à deux ?»« Qu'est-ce qui se passe de beau ?» Tu vois. Et donc ça a généré cette dynamique. Et puis c'est vachement sympa. Mais toi, ça n'arrête pas, c'est... Ça n'arrête pas, j'aimerais bien, tu sais, c'est jamais assez. On voudrait toujours que ça soit plus, tu vois. Un gars d'extrême. Ah ouais, moi j'adore quand c'est toi, voilà, ça c'est super. C'est un jazzman rock'n'roll. Ouais. Un passionné surtout. Un passionné. Ouais, tu sais, comme je te dis, c'est ma vie, tu vois, donc c'est vraiment un truc à donf. Merci. On peut utiliser notre table, ça vous gêne ou pas? Si je pose dessus, tant qu'il n'y a personne, sinon vous me dites, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, enfant, est-ce que tu étais déjà intéressé par la musique? Qu'est-ce que t'es pas... Ah oui, moi j'ai joué, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je tapais partout. Ok, sauf sur tes camarades. Ouais, quoique. Je tapais partout. Et mes parents sont pas dans la musique. Non, c'est ça. Non, ma mère est costumière théâtre. Tu vois, c'est un peu dans l'art aussi. Mais ils ont été géniaux parce qu'ils m'ont pas empêché, quoi. Donc ils m'ont acheté une première batterie, des petits déjouets, piano, des trucs, j'avais 3 ans, 4 ans. Tu vois, j'ai eu mon première vraie batterie, j'avais 9 ans, je crois. Puis je suis parti après... Alors ils en ont pris plein la gueule. Hein. Oh putain, c'est... Okay. Les pauvres. Oui, mais c'est ça, les oreilles saignaient. Et ma mère était géniale. C'est-à-dire que moi, je partais depuis l'âge de 11 ans et demi, 12 ans, je joue, tu vois. Je fais des soirées, des machins. Je faisais des baluches à l'époque, tu vois, en province. Ma mère prenait la bagnole, elle m'emmenait, elle montait le matos, elle démontait le matos. Ah oui, alors on t'appuyait dans ton délire. Vachement, musical. C'était monstrueux. Mais est-ce que tu t'es intéressé directement au jazz ou si t'as touché à... J'ai toujours été musique actuelle. Ok. Et qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? J'aime bien les nouveautés, j'aime bien chercher un peu, voir. J'ai pas de rejet, c'est-à-dire même un truc de dance qui va passer aujourd'hui. Je m'intéresse, alors des fois j'ai pas la réponse, tu vois, mais je m'intéresse toujours à qu'est-ce qui a fait que ce truc-là il a marché, pourquoi, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a tant de gens... C'est pas obligé que ça fonctionne. Non mais quand ça fonctionne pas, tu l'entends pas. mais tu peux l'entendre dans le spectacle. Oui, en spectacle. Ah oui, oui, complètement. Quoi, ah oui, oui, oui, oui, complètement. Après, il y a un côté recherche où je suis toujours à me balader, tu vois. On s'envoie les trucs. Même dans la musique actuelle, comment tu peux arriver à accrocher? Ah oui, ouais. Parce que c'est le parent pauvre de la musique actuelle. Je trouve pas, moi. Ok. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. Actuelle, moi, j'écoute Beyoncé, moi, j'adore. Ah oui, mais c'est pas de la musique actuelle. Ah, c'est quoi, ça? Bah, c'est de la musique pop. Bah, bon, bah, alors, c'est quoi la musique actuelle pour toi? La musique actuelle, c'est, par exemple, c'est ta musique d'avant-garde, comme Fred Fritz. Ah, ça, je connais pas. Ok. C'est de la musique expérimentale. Ah, oh, d'accord. Donc, ouais. Alors, on s'est pas compris. Effectivement, je suis pas dans cette... Okay. C'est pas comme ça que je voyais, en fait. Okay. C'est au niveau des termes. Okay, bon, pour moi, quand je dis musique actuelle, c'est tout ce qui se passe à la radio, tout ce qu'on entend, tu vois. Okay, voilà. Donc, sans avoir d'étiquette pop, dance ou machin ou truc, c'est un général. C'est-à-dire, okay. c'est la musique actuelle d'aujourd'hui. Okay, voilà, okay. Voilà, c'est pas... effectivement, on était pas... Ouais. Okay. Voilà. Donc, je m'intéresse à ça aussi. J'écoute tout ça. Je me pose toujours la question pourquoi ce truc-là il a marché, qu'est-ce qui s'est passé. Okay. Et en fait, on s'aperçoit que les DJ et tous ces trucs-là, il y a une grande période où c'est flou. Et en fait, les mecs, ils apportent un truc, tu vois. Il y a un truc intéressant là-dedans. Alors, pas tout, hein. Non, ouais, ouais. On va se calmer, tu vois. Ouais. Je suis pas en train de dire génial les DJ, tu vois. Ouais, non, non, non, non. Mais quand même, j'ai entendu des trucs des fois, j'ai dit putain, le con. Il a fait vraiment un truc bien. Mais est-ce que t'es du genre à reprendre ce que t'entends de qui a bien fonctionné ou tu non. Veux... non. Non, non, non. Par contre, j'aime bien j'aime bien les couleurs. Ça m'intéresse, les couleurs. Voilà, après reprendre pour reprendre, non, je m'en fous en fait. C'est plus une période de travail, ouais. Tu vois, dans ton chemin de musicien. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est une période où il faut le faire. Faut apprendre à le faire pour comprendre, pour déjà savoir le jouer. Et aujourd'hui, je suis un peu plus vieux, donc j'ai un peu plus de bouteilles, tu vois. Mais est-ce que tu as une formation académique en musicologie, tu as étudié la musique, ou si tu as voulu apprendre ça avec les copains Non, moi j'ai fait le conservatoire. Okay, j'ai fait le conservatoire, et après, quand je fais... Pourquoi cet instrument-là t'as parlé avant les autres? Voilà. Okay. C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Hein. Okay. Yeah. Errance rénaldienne sur CKRL-LF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagné. Yeah, I love it. I need it. Et piano aussi, toujours. Les deux, ouais. Et après avoir fait le conservatoire en percussion, j'ai fait une école de jazz à Paris, piano. Tu vois, laquelle, l'American School. Et c'était là, l'époque où ça avait ouvert, donc c'était génial parce que c'est des profs, ils arrivaient de Berkeley. Parce qu'il y a le Locwood qui a aussi. Ouais, Locwood aussi qui est très bien. Aujourd'hui, c'est l'école. Aujourd'hui, s'il y en a une à faire, c'est la Locwood. Et à l'époque où moi je l'ai faite, c'était l'American School. C'était, ils amenaient toute Berkeley en fait. Alors aujourd'hui, ça c'est très différent. Hein. Je te parle de ça il y a 20 ans. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le jazz? Comment je peux répondre à ça? Déjà le côté liberté, côté expression, okay. Le côté... est-ce que tu fais du jazz fusion? Ouais, je suis très fusion. Je suis pas traditionnel du tout. Un jour, j'ai rencontré Elvin Jones. Okay, quand j'avais 20 ballets, tu vois. Et j'ai eu la chance de passer 2 jours avec. Et ce jour-là, j'ai arrêté le jazz traditionnel. C'est pas mon truc. C'est pas... Et là, tu vois, c'est pas une histoire de technique ou quoi que ce soit. C'est une histoire de vocabulaire, c'est une histoire de... C'est t'as ça dans le sang ou tu l'as pas. Tu sais, Moi, j'ai pas ça. Je sais pas faire ça. Et il y en a plein qui disent « Oui, mais c'est facile, tu fais ça. » Non, c'est pas. Okay, c'est, il faut que ça passe par le cœur. Ah oui, j'ai même pas lu. Non, je vais vous dire ça tout de suite. Tu veux manger un truc? Non. Merci. Je vais prendre... Après, j'ai des suggestions du jour. Ah, bah, suggérer, vas-y. Une brochette de bœuf marinée aux herbes et épices. Ouais. Ça vient avec des pommes sautées, sinon vous avez... Non, c'est j'ai trouvé. Ça, c'est ça. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça c'est vrai, c'est bon, merci. Et puis c'est très estival aussi. Voilà, c'est très, très, très bon. Ouais. Donc je te disais, on parlait quoi, du jazz? Oui, on parlait de je te disais, Elvin Jones. Non, oui, puis ton camarade, que tu t'es rendu compte que vous n'étiez pas dans le même univers. Ouais. Et pourquoi lui, c'était les différences entre toi et lui, c'était lesquelles? Attends, je te suis plus là. Ok, parce que là, tu me disais que tu avais galéré 2 jours. Ah, j'avais passé 2 jours avec Elvin Jones, à le voir jouer au Sunset, tu vois, en club. Alors, et qu'est-ce qui vous différencie? C'est que je comprends ce qu'il fait, je comprends techniquement, on comprend, après de là à le reproduire, c'est autre chose, mais j'ai pas, c'est une façon de penser que j'ai pas, moi, je fonctionne pas comme ça. Je sais pas le faire, ça. J'ai pas cette culture. C'est comme ceux qui essaient de faire du gospel aujourd'hui. Tu vois, va vivre là-bas. J'ai eu la chance d'aller voir une messe à Los Angeles à l'église avec mes potes qui jouaient là-bas. Tu vois, donc ça joue monstrueux, c'est pas de doute. Mais t'arrives, ça démarre à 9h30, ils sont tous là à la banane, ça tape dans les mains. Tu chiales, tu vois, ça vient du cœur. Voilà, donc pour moi, c'est. C'est un peu le même rapport, c'est-à-dire qu'il faut y aller, il faut le faire, ça. Si tu veux jouer ça, va à New York, va. Même si en France c'est très bon, le jazz est très bon, le niveau français est excellent. Les années 60, tu vois, 60, ah oui. À Paris, c'était merveilleux. Ah oui. C'était mieux, donc ça joue terrible, et aujourd'hui tous les musiciens veulent. Bon. Le niveau français est excellent, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai plutôt choisi d'être juste avec moi, c'est-à-dire ne pas faire de. Enfin, pas... si je sais pas le faire, je le fais pas, quoi. Ouais, pas ce type de compromis. C'est comme les gens qui vont aller donner des cours, parce que tu joues de la batterie, tu donnes des cours, non. Non, c'est une vocation de donner des cours. Ouais, oui, tu oui, vois, c'est, ça, ouais. Il faut c'est avoir faux. Le don de proposer à quelqu'un. Bah, ouais. Et toi, t'as ton propre style, donc c'est quand même. Moi, ouais, c'est pas. Voilà, donc j'essaie d'être juste et puis de... Du coup, quand je fais quelque chose, je le fais avec le cœur et je le fais bien. Sinon, ça m'énerve. Il n'y a rien à faire. Ouais, ça passe pas. Ça mais passe pas. Après l'école, as-tu appris à désapprendre ce que on t'a inculqué? Je me suis jamais posé cette question. Okay. J'ai toujours été un peu électron libre. par exemple, j'ai jamais reproduit des batteurs. Okay. J'ai plein de potes qui ont décortiqué, qui ont analysé, qui ont recopié, qui ont joué les chorus. Moi, j'ai jamais fait ça. Bien ou mal, je sais pas si c'est fallait le faire ou fallait pas le faire. Mais il s'avère que je l'ai jamais fait. C'est comme quand je me retrouve à faire on a fait des concerts à deux batteries avec Eric Moore ou Chris Coleman. Je sais pas si tu connaissais. Oui, oui, oui. Bon bah voilà, donc on se retrouve à deux. Je veux dire, mais si je commence à faire des chops, mais si je suis mort, c'est les meilleurs. C'est eux, c'est leur culture. Ils ont inventé le truc. si tu veux le faire, mais c'est fini, ne le fais pas, tu vas dans le mur. Oui, mais tu dois le sentir et le ressentir, sinon tu ne le fais pas. Exactement, il faut faire son truc. Il faut que tu te sentes à l'aise aussi, parce que si tu sens qu'il y a une retenue, tu ne pourras pas aller très loin. Tu ne pourras pas aller, tout à fait. Est-ce que tu connais le groupe Uzer? Oui, oui, bien sûr. Okay. Oui, j'ai eu l'occasion. Bah, c'est un pote, c'est Damien Schmitt qui joue avec Alain Caron. Oui. Et j'ai eu la chance de passer, quand ils viennent à Paris, je les vois, on se retrouve avec Caron et on papote un peu. Aujourd'hui, il est vraiment dans l'anonymat. Il fait son travail, mais anciennement avec Uzeb, c'était énorme. Uzeb, c'était énorme. Oui, mais aujourd'hui, écoute, il descend d'Uzeb et il fait son chemin, mais totalement anonyme. Et puis là, c'est pas facile, hein. Non. C'est pas facile. Non. C'est étonnant, ça. Ouais. C'est pour étonnant. Un homme aussi reconnu, d'être aussi peu... Après, ceci étant dit, il y a quand même un côté époque, connotation. C'est quand même très coloré. Il n'a pas non plus... C'est toujours les années 80, tu vois. Ouais, mais il a fait aussi des séries télévisées. Il a fait des bandes sonores pour des séries télévisées. Ouais. Donc, il s'est comme un peu émancipé. Puis il fallait aussi mettre de l'argent dans le compte de banque. Hein. Ben ouais. Mais c'est un type qui vient souvent ici à Paris. Et puis, oui, il y a souvent. Ouais. Et puis je crois qu'il faut, aussi. Il y a une mise en question permanente, il faut vivre avec son temps. Ouais. Et tout le monde ne. Enfin. C'est vrai que quand tu vas écouter Alain Caron, c'est quand même, il y a quand même un côté. Il y a son style, son style années 80-90, ouais. Tu vois. Et toi, tu essaies de jamais cloisonner, jamais focusser sur une année, mais tu veux quand même rester de ton moi, époque. Moi, si, je veux dans la mienne. Oui, c'est ça, de ton époque. Moi, je me dis toujours, le jour où je commence à dire c'était mieux avant, c'est fini pour moi. Ouais, tu sens un peu la chaise berçante. Ouais. Ça, c'est un truc que moi, je peux pas dire ça. Ah, je peux pas, c'est horrible. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau musical, au niveau des disques qui ne sont pas moins parce que l'Internet est là, est-ce que c'est un côté positif de la chose ou tu pourrais voir autrement la musique? Bah, en fait, c'est... Il y a un côté... On ne peut pas dire que ce soit positif, que le disque se vende plus, tout ça. Ça, c'est pas positif. Mais ça a généré quelque chose de super intéressant, c'est que ça nous a ramené à la rue. C'est-à-dire que maintenant, il faut descendre, il faut aller jouer, il faut aller défendre son projet, il faut aller vendre ses disques au concert, faut y aller parce que y a plus, l'industrie du disque ne fonctionne plus. Donc en fait, ça élimine toute une partie de gens qui font du business plutôt que de la musique, tu vois, et qui eux ne peuvent pas aller dans la rue. Et quand ils y vont, là on s'aperçoit bien qu'ils n'ont rien à foutre là. Donc en fait, ça fait un nettoyage un petit peu naturel. Ça aurait été génial que l'industrie du disque continue à fonctionner et que ça ne soit jamais arrivé. Quoi que le vinyle reprend de l'essor, donc oui, le vinyle. Le vinyle reprend l'essor parce qu'il y a un côté phénomène de mode. C'est-à-dire qu'on est toujours bien. Tu vois que bientôt on va ressortir les cassettes. Hein. Oh, ouais. Merci. On va y arriver. Mais ce qui est bien sur le 8 traces, c'est que ça se termine jamais. Ah oui, ça c'est en boucle. Ah oui, oui. Et je me rappelle de mes anciens disques de jazz, de Miles Davis, 8 tracks, en spectacle à Montreux. C'est quand même une collection aujourd'hui sur Internet. J'ai vu 28$ pour un. C'est cher. Oh oui, c'est cher. Mais le son est tout à fait ordinaire. Ah oui. Mais en même temps, c'est juste pour l'article sur la chose. Exactement, c'est pour l'objet. Oh, l'objet, oui. Donc voilà, moi je trouve. Oui, t'inquiète. Everybody gonna get nasty tonight! J'aimerais voir des énervés! Everybody's stuck up on the kids. Need to spend together in this place. come on now, cause it's like this, shit. This got down, shut the weather, 50 years of wild pleasure. Move that tells me what to do. Sometimes it's easy. that tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul, and I'm super bad. I'm love, I love to do my thing. And I don't need no one else. Sometimes I feel so nice, good God. I jump back, I wanna kiss myself. I've got soul, and I'm super bad. Hey, I said I'm super bad. Bridge, come on. What people do in town and town. Ça un peu voilà, maintenant c'est toujours dommage que l'industrie du disque soit pété la gueule, mais on s'est tiré une balle dans le pied, c'est à dire pour moi c'est parce que on veut trop, c'est à dire qu'il y a des businessmen et c'est trop gourmand à un moment, mais c'est pas les artistes, c'est pas les artistes. L'artiste, lui, il est là avec sa gratte ou son clavier ou je ne sais quoi, et puis il essaie de défendre son art et de défendre son parler, il essaie de parler, de dire ce qu'il a à dire comme il peut. C'est tout le système qui détruit tout ça pour qu'au final on l'industrie, réponde, l'industrie. Et que ça ben, et puis ça a généré, c'est-à-dire qu'avant il y avait des carrières, c'est-à-dire que tu prends Barclay ou des gens comme ça, ils misaient sur des gens, ils misaient pas sur un disque, ils misaient sur une carrière, une vedette, quelqu'un qui avait un potentiel. Voilà, un exactement potentiel. Aujourd'hui c'est pas du tout comme ça que ça marche. Aujourd'hui on prend un package tout fait, on choisit une gonzesse qui a des gros nichons ou des machins, elle chante ou elle chante pas, on s'en fout, on met autotune. Et puis on y va. Et si à la fin de l'année c'est fini, c'est pas grave, on a fait le blé, on a mis 20 ou 30 000 euros sur la table, ou dollars, et puis on en récupère 100, 150, on est content, et on arrête, on jette. Aujourd'hui on fait des one shot. Et ça c'est quand même, du fait de l'industrie du type, du disque soit pété la gueule, bah ça se pète la gueule aussi. Mais dans le jazz, c'est pas encore appris. Non, mais dans le jazz, regarde, en France, on vend rien. Je veux dire, quand tu vends, si tu vends 40 000 disques en France, c'est le bout du monde. En jazz, si tu fais ça, mais t'es une star. En France, ça marche pas. Mais c'est les tournées qui fonctionnent, c'est les spectacles. Les spectacles. Et mais c'est la France est bloquée. C'est pas. Nous on n'est pas. On n'est pas très ouvert à ça. Il y a pas. Quoi, on n'est pas très, très éduqués, on n'est pas. Je trouve qu'on a. Est-ce que tu voyages beaucoup? Je voyage. Voyage. À travers tes spectacles ou personnellement? Concert, ouais, toujours. Et je trouve qu'on est, nous ici, on est encore à l'ère de Piaf, tu vois. C'est génial, hein. Attention, c'est une époque fantastique, ça, c'est un mouvement, ça crée un truc incroyable. Je renie. C'est sûr que c'est une femme de la rue qui est venue nous faire. Et puis le toutes les chansons sur Paris, ce truc-là, ah c'est oui, quand okay, même c'est magique. C'est la carte postale qui t'emmerde. Ouais. Bah, ce qui... Oh, mais elle joue aussi beaucoup avec ça aujourd'hui, là, quand tu promènes. Ce qui moi, m'emmerde. L'accordéoniste va te chanter. Oui, on en est là, nous. C'est-à-dire qu'on te vend ça en France. Ouais. En France, on te vend ça. Je crois qu'au Québec, tu vas manger dans un restaurant français, on a un accordéoniste qui va jouer. On en est toujours là. Oh, oui, mais c'est les cartes postales, les gens veulent avoir ça. Ouais, bah, alors, comment on fait pour avancer? Comment on fait pour faire découvrir les choses nouvelles aux gens? Oui, mais il y a toujours des curieux. C'est comme ça que ça fonctionne. Il nous faut des curieux. Oui, et les gens le sont de plus en plus parce que je crois sincèrement que les gens en ont un ras-le-bol de la radio commerciale. Entendre une chanson 5-6 fois aux heures de grande écoute. Là, ouais, c'est insupportable. Oui, c'est ça. Même moi, des trucs pourris, j'arrive à trouver ça bien. Au bout de deux jours, ils m'ont blindé. Oui, c'est ça, l'endoctrinement a bien fonctionné. j'arrive à me dire, à un moment je me réveille, je me dis, mais arrête Fred, là, tu t'es fait avoir, c'est pourri. Mais ce qui est spécial, c'est que toi t'es musicien, et que même à travers ça, tu peux arriver à faire avoir par... Ah oui, complètement, complètement. Et puis ça prouve aussi que les radios se sont endormies sur le conformisme, parce que ce qui fait rouler une radio, c'est pas vraiment la musique, c'est la publicité. Oui. Et pour que la publicité soit là, on va faire jouer la musique que les gens veulent entendre, ou on va faire choisir à des programmateurs de la musique pour que ça attire la publicité. C'est encore un système qui est c'est encore un système business, c'est-à-dire que les radios sont maquées avec les maisons de disques qui, elles, font les playlists en fonction de ce qu'ils veulent sortir. Les radios ont le droit de passer que ça. Personne prend de risque. En fait, on fait rien découvrir aux gens. On ne fait rien découvrir, c'est-à-dire que les portes sont complètement fermées. Même sur France Inter, on commence à sombrer. Ah oui, ça sombre. C'est pour ça que les gens se... Foulquier à l'époque, t'as connu les émissions? Oui, Laurent Foulquier, les francophonies. Mm. Foulquier, et puis qui a même amené les francophonies de Montréal. Ben, exactement. Ouais. Lui, il faisait découvrir des choses. Ouais. Au début, c'était monstrueux. Tu regardes la programmation maintenant. Mais même, il a fait de la radio, Foulquier. Bah oui, il était France Inter. Oui, exactement. Et ça s'appelait Pollen, son émission. Oui, exactement, que j'écoutais. Hmm? Et puis, ça donnait. Il était en direct de ses francophonies, il était en direct d'un peu partout dans les spectacles. Oui, il se baladait. Ouais. Et il faisait connaître aussi, parce qu'il recevait des petits chanteurs pas connus, des labels que personne ne voulait dire. Oui, à cette époque-là. C'était tôt ou tard. Là, la première francophonie, c'était à La Rochelle. Et moi, à cette époque-là, je vivais à La Rochelle. Donc en fait, j'ai rencontré Foulquier dans une boîte, ça s'appelait Triolet, qui était à côté des deux tours, là, tu vois. Et il faisait ces émissions-là, il faisait tout ça. Et c'était incroyable, la dynamique. Et tu découvrais les spectacles. J'ai vu monter les premières francopholies. J'ai vécu les premières. C'était incroyable. Ah ouais, ouais. Incroyable. Et en plus, tu ne savais pas que tout ça allait devenir ce que c'était. Ah bah non. Non. Imagine-toi qu'aujourd'hui, lui qui s'occupait seul de des francophonies, aujourd'hui ils sont trois à faire le travail que Foulquier faisait seul. Ouais. C'est fou. C'est ça des passionnés. Est-ce qu'il reste encore aujourd'hui? Oui, mais je crois que sincèrement, on les étouffe. L'industrie les étouffe. Ouais, c'est pas simple. Mais il y a un truc bien, on descend dans la rue, on va jouer, on va faire les spectacles. On revient au club, on revient à des choses. Moi, je trouve que ça, c'est bien. C'est plus humaniste. Ouais. Les gens ont besoin de se sentir dans un groupe appartenir à un phénomène spontané. Ouais. Ça me fait penser, souvent, il y a des groupes très connus qui décident de descendre dans un bar. Mick Jagger descend dans un bar et faire un spectacle. Il en a même fait un disque, Stéphane Escher. Ouais. Il descendait dans un bar, puis avec deux musiciens. Il y a M qui a fait ça il n'y a pas longtemps. Ah oui, ah, ça c'est bien. Oui, il a joué devant une station de métro, je crois, je sais plus. Oui, il y a M. Moi, je trouve ça bien. On a même, aux États-Unis, on a fait une super blague dans le métro, à New York. On a déguisé le groupe U2. Mmh. Oui, j'ai entendu parler, j'ai pas vu. On a déguisé le groupe U2, c'était dans un talk show aux États-Unis. Et c'était filmé, les gens passaient de même. Et là, l'animateur est sorti de son mutisme en disant que vous voyez là c'est le groupe U2. Comme si au début c'était de la merde, mais ben là, ouais. Le nom donnait, ben ouais. Sacralisait ce qu'ils entendaient. Parce alors que les mêmes chansons, la force du son était la même. C'est ça qui est monstrueux. C'est fou, hein? C'est ça. U2, voyons. Eux croyaient que c'était de l'interprétation. Ouais. Mais c'était les vrais. C'était les vrais. il y a Frank Zappa qui décidait de faire un disque dans le métro en 72. Il avait amené ses musiciens. Son studio maison était là et il a enregistré un album des plus exceptionnels qui s'appelle Frank Zappa. Dans un métro, t'entends les gens passer, t'entends. C'est ça là aussi. Ben ouais. Il faut revoir la musique, il faut s'interroger et surtout être en avant-garde, comme tu disais, de l'avant-garde. Ben moi je pense, ouais. Et ne pas surtout miser sur le succès. Je vais t'emmener cette semaine dans, dans un ou deux clubs le soir, si t'es libre. Ok, ouais, mais tu me diras. Je vais te montrer des trucs un peu roots. Ok. Où tu vas retrouver ce qu'on est en train de parler là, où c'est génial. Je vais t'emmener dans deux clubs. Ok. Si, je vais regarder, je crois que je suis dispo les deux jours. Ok. Mercredi soir, je vais t'emmener au petit balcon. Mercredi, je vais voir, et malheureusement, un spécial sur Renault. Oui, mais ça finit peut-être pas très tard. 21h. Ça finit à 21h? Non, ça commence à 21h. Mais je crois qu'on va s'en reparler sur Facebook. On va s'en reparler. Okay. Et jeudi, si tu veux, je t'emmène au caveau des oubliettes. Ok, on va regarder ça. Voilà. Et je vais voir si. Mais si je suis là, ça va faire un grand plaisir d'y aller. Et c'est ça, il faut aller voir les spectacles où ils sont. Voilà. Alors, ça, c'est le plus gros problème aujourd'hui. Moi, je trouve qu'Internet, ça a été génial parce que ça nous a ouvert. Moi, je me rappelle quand je bossais ma batterie. Si j'allais pas dans un magasin acheter une cassette VHS pour voir, et c'était très cher, et il n'y en avait pas beaucoup, l'import n'arrivait pas, tu vois. Il n'y avait rien, donc en fait on allait chercher l'info. Aujourd'hui avec Internet c'est monstrueux, tu tapes meilleur batteur au monde, ça sort, et tu vois le meilleur, tu vois les meilleurs. Donc tu sais, tu connais, c'est ce qu'on a choisi, ouais. En tout cas il s'avère que techniquement et tous les mecs c'est monstrueux. Long ago the beginning was begun, down South American way. But now some changes have been made, and it's played in a brand new way. Bebop's amigos, amigos, bebop's the beginning. Bebop's amigos, and you'll be a hot chili bean. Bebop's amigos, and if you can't dig it, you're square. Bebop's amigos, and don't be a silly long hair. Praise Allah, and face to the west. Praise Allah, bebop's is the best. Praise Allah, buy a beard and beret. Praise Allah, go bop salty day. Bebop's amigos, amigo, bebop's a begin. Bebop's amigos, let the bops put you in a spin. Bebop's amigo, go bops wherever you're at. You have to be bops to begin, amigo, to be a solid hips cat. Ba ba ba ba ba ba ba da da da da da da da da da da da da da da da da. Oui, ba do ya, do ya, do ya, up and did and do ya, ooba ba do ya. Oui, ba do ya, da ba do ya, da ba do ya, do ya, ooba ba do ya. Oui, ba do ya, do and di ba do and da ba do ga, a fool ya, boo di di ba do and do it, do ba do ya, ba do ba, a do ba ya ba. Praise Allah, that face to the west, praise Dizzy, bebop's is the best. Praise Allah, wear a beard and beret, praise Dizzy. Go bop salty day, bebop's amigo, amigo, bebop's the beginning, bebop's amigo, and give to your neighbor some skin, bebop's amigo, go bops when trumpets go beeps, you have to be bops the beginning, amigo, that's if you wanna be heaps. Hey, Selinda, listen to the bird, he's blowing, hey, listen to him, hey, hey. I think. Vous écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Miss Martha Pye. Such tunes as The Spank, I Slight, Nature, It's the Man's World, Please, Please, I Feel Good, Because He's Super Bad, Sex Machine. But right about now, as I look around, everybody looks kind of comfortable, kind of relaxed, and kind of cooled out. But you gotta do me one favor. Let's get up on your feet one time. Come on! Get on up! Get on up! Now let's make some of that good old Georgia noise out there, y'all. Now let's call the King of Soul himself, James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. James Brown. Ladies and gentlemen, the King of Soul, James Brown. De ta petite place, t'es à l'échelle mondiale tout de suite, t'as une jauge mondiale. Ah ouais, ouais, okay, ouais. Ça c'est monstrueux pour ouais. Ça. Maintenant le gros problème d'internet, moi je trouve, c'est que aujourd'hui on ne va plus chercher l'information, c'est l'information qui vient à nous. Ouais, et ça. Le problème c'est qu'il y en a trop, il y en a trop, c'est-à-dire qu'on est sollicité, on a 50 concerts possibles par soir. Résultat, on se dit tout le temps, oh bah ce soir je suis rentré du boulot, je suis crevé, je sors pas, on verra demain, ça continue demain. Le problème, c'est que tellement de gens se disent ça que ça vient plus au spectacle. Et que les petits spectacles qui ont besoin de gens pour monter, bah, ils ont personne. Parce que tout le monde remet au lendemain. Oh non, mais on ira demain, c'est pas grave, je suis crevé. Moi, je me rappelle quand j'avais 20 balais, je sortais à Paris, je partais avec mon petit billet de 100 francs, tu vois. Et je savais pas ce que j'allais voir. Parce que j'avais aucune solution de le savoir. Je pouvais pas taper sur le Minitel, tu vois, ça marchait. J'allais en club et je regardais devant le club, c'est lui qui joue. Ah oh, super, j'y vais. Je partais vite parce qu'il y avait un autre club. Et il y avait quoi là, tu vois. Aujourd'hui, tu fais plus ça. Et ça, je trouve vraiment que ça, c'est dommage. Les gens sortent plus, vont plus chercher. Ne risquent rien. Alors, comment on fait les petits groupes qui essayent, comme tous les groupes, ils ont été petits un jour, comment ils font pour arriver à évoluer dans ce système? Parce que t'es aidé par personne, les gens viennent pas au concert. Ils viennent quand t'es connu, mais faut venir. Et quand ouais. T'es connu, comment on fait? Tu vois, là il n'y a plus de problème, mais faut venir avant. Ouais. Et donc tout le monde remet tout le temps tout au lendemain. On a plus. Alors qu'on a encore un petit peu en province, tu vois, dans les grandes villes on l'a plus. En province, de toute manière, quand t'arrives, c'est pour un concert. Les gens, s'ils viennent pas, ils ouais. ont raté. Ouais. fallait être là. Il fallait être là. Maintenant, dans les grandes villes, c'est pas grave, on viendra demain, il jouera ailleurs, il jouera là, dans deux mois, je le verrai plus tard, c'est pas grave. Il n'y a plus cette espèce de... Le problème, c'est qu'en faisant ça, bah, les groupes, ils se pètent la gueule, et puis que ça marche pas, et que t'arrêtes, parce que bah, les mecs, qui, les promoteurs, tu vois, ou les patrons de bar qui donnent un cachet, qui t'engagent, bah, ils veulent plus payer, ils en ont marre de perdre du blé. Donc c'est un petit peu compliqué, tu vois. Mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose de la musique que tu aimes, ce genre de galère-là, ne jamais savoir, oser... Alors ça, moi j'adore. Ok. Moi ça j'adore. La chose que tu aimes bien. Moi je ne supporterais pas de faire tout le temps pareil. Okay. Pour moi ça, pardon. Pour moi c'est fonctionnaire de la musique, c'est pas ma vision. Tu serais dans un conservatoire ou peut-être je peux pas, même avec un artiste, si je pars en tournée, moi que ça s'arrête l'année d'après ou l'année d'après, je m'en fous. Ouais, mais tu te rends compte, l'argent, tout. Non, faut que ça change. Mais en même temps, tu te sens pas cloisonné dans un style jazz, tu peux toucher à tout. Bah ouais, moi je fais plein de trucs. Oh, oui, c'est ça. Je fais plein de trucs. Il y a pas longtemps, j'ai fait un album dance pour une russe. Donc c'est une production, c'est là, une production russe. Comment ça s'est passé, là? La russe a communiqué avec vous ou c'est des musiciens qui t'ont... Non, c'est elle, qui est à Paris et qui avait des projets. J'avais son mec et pianiste, j'avais joué avec lui il y a peut-être 2-3 ans, je sais plus. Et puis là, ils ont enregistré l'album, ils m'ont appelé, ils m'ont dit est-ce que tu veux faire l'album. Mais dit, la russe Alors en russe et anglais. L'album sort dans les deux langues. Et comment tu as trouvé ça? Écoute, moi, ouais, c'est super. Il faut se procurer, là. Non, c'était à jouer, c'était super sympa et okay. Tout. Ils sont adorables. Elle chante terrible. Ok. Donc c'est cool. Et on doit faire les concerts à partir de septembre avec elle. Donc ça va être sympa. C'est à voir. Ouais, mais ça va être sympa. Mais alors c'est le bouche à oreille, toi. C'est des gens qui te disent, ben écoute, qui te disent, on a travaillé ensemble. Regarde, on a un projet, veux-tu venir avec. Là, il y a un guitariste américain. À Paris depuis 15 jours, j'ai croisé au petit balcon il y a une dizaine de jours. Et il m'a envoyé un message hier sur Facebook en me disant je joue à tel endroit, j'ai 3 dates à Paris, voilà l'équipe, il y a Bobby Rangel au sax. Il me dit est-ce que tu veux jouer avec nous, choisis ta date. Bah écoute, super, j'ai pris ma date et on fait un club ensemble, telle date. Alors, il m'a envoyé les morceaux, il m'a dit on va jouer ça. Rendez-vous telle heure, est-ce que ça te branche, c'est payé tant, tu fais, je dis bah ouais, alors super. Là, t'as vu moi travailler, non mais c'est fou là, mais parce que là t'as pas travaillé, est-ce que chez toi tu vas au moins vérifier? Oui, je regarde, bah vérifier derrière la batterie peut-être pas, parce que ça c'est des trucs, c'est un peu des standards que je connais, tu vois. Ouais, mais c'est des trucs que je connais. Et des fois j'ai besoin, je me prends un stud quand j'ai des gros trucs à faire, ne serait-ce que pour passer les enchaînements, les trucs que tu prends. Mais là, spectacle, comment ça va se passer? Tu arrives et tu joues comme... Bah oui, parce qu'en fait, ils m'ont envoyé les trucs, donc ça va, il y en a plein que je connais, c'est pas très... Et c'est combien de tours? C'est 3 tours? Qu'est-ce que tu appelles des tours? Des concerts ou des sets? Ouais, des sets. Oui. C'est 2 sets. 2 sets, ok. 2 sets. Ouais, okay. Et c'est quand même assez spécial, hein? Est-ce que ça arrive souvent, ce genre de trucs? Ouais. Ok. Et toi, ça te plaît? Oui. C'est pas, en plus, tu te fais voir, tu te fais connaître, Bah, y a surtout un côté musique instinctive. Oui. C'est-à-dire, et c'est le côté jazz, tu vois, justement. Alors après, il y a des codes. C'est vrai qu'avec les années, le métier, il y a des standards, les codes, on les a. Et puis après, tu ouvres tes oreilles aussi. La musique, ça se fait par les oreilles, tu vois. Enfin, ça passe par là. Donc faut fonctionner avec ça. Et c'est une habitude, c'est une gymnastique. Hein. C'est une gymnastique. On appelle ça des jammers. Et c'est. Tu t'habitues, t'apprends. Et tu aimes ça? Moi j'adore. Ah oui. Moi je suis fan de ça. Ouais, le conventionnalisme, c'est quoi ta tâche? Ça, c'est pas mon truc, mais c'est mort. Hein. C'est pas... Et t'aimes aussi le côté risquer de la chose. Des fois un peu trop. Ah, ok, ah oui. Hein? Ouais, des fois je prends beaucoup de risques. Des risques monétaires ou des risques... Tout. Ok. Tout. On fait rien sans argent. Ouais, malheureusement. Des fois, faut miser, faut y aller. Faut oser de manière... souvent agréablement surpris. Oui. Ouais. Oui. Et puis après, il y a quand même un truc, il y a quand même une petite réflexion, tu vois. Les années parlent pour nous, on a un peu de recul aussi, donc c'est, je vais pas miser n'importe où. Et... Alors ça veut pas dire que je vais réussir, je me plante comme tout le monde. Mais il y a des trucs, je sais que c'est mort. Donc là, j'y vais pas y aller. Okay, oh, oui. Alors, surtout que tu as déjà tenté peut-être dans ces eaux-là, donc tu veux plus. Ça s'appelle peut-être l'expérience, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà, comme je te dis, c'est les années qui comptent pour nous, quoi. Donc bon. Et trouves-tu que tu as plus de travail l'été, l'automne, le printemps, ou si les saisons n'ont pas d'importance L'été, j'ai pas grand-chose. Ok. Mais les spectacles, non? Les festivals? Bah, les festivals, mais les festivals, là, j'en ai pas cette année. Okay. J'en avais trois qui se sont annulés. Okay. Ah, oui. Tu as vu en France, oui, hein, c'est oui, un massacre. Oui, oui. C'est un massacre. Ouais. Après, il y a le projet, la The Show. Oui. Donc là, comme il est en remaniement, donc pour cet été, c'est foutu, donc okay. Ce sera pour l'été prochain. Alors vous travaillez là. Donc là, oui, là, on attaque la semaine prochaine, on attaque les résidences pour faire la compo, pour à avoir Paris, un nouveau spectacle, un Paris. Okay. Pour justement pouvoir attaquer en septembre avec des nouvelles choses, quoi. Et là, on parle de tournée, on parle de nouveau matériel, on parle de nouvelles aventures, une nouvelle aventure qui s'ouvre à toi. Qu'il y a de beau. Ben, y a l'album d'Adrien là, j'aimerais bien qu'il sorte. Avec ça, ce projet-là, oui. Ah, sur ce projet-là. Ça, c'est un projet que j'ai monté il y a 2 ans. Oui, oui. On a fait 60 dates là en 2 ans, okay. Quand même. Mais là, vous voulez refaire autre chose. Oui, on veut changer le répertoire. C'est ça. Donc, nouvelle compo, enregistrement du deuxième album début octobre. Okay. Chez Manoukian, ah, oui, à Chamonix. Oui, oui. Il a monté la maison des artistes. Oui. Et en échange des concerts, on va là-bas début octobre, on a une semaine où on enregistre tous les jours et en échange de fois on fait 2 concerts. C'est gratos. C'est un deal. En échange de 2 concerts, on bénéficie de toute l'infrastructure pendant 5 jours, 5-6 jours. Avec du matériel professionnel. Ah, oui, c'est un super matos. C'est super. C'est super. Et là déjà, vous êtes habitués de travailler ensemble, vous avez fait 60. Oui, on se connaît bien. Donc, il y a quand même une facilité, vous vous regardez et vous savez vers où. Ça va vite, ça va vite. Oui, c'est ça, ça va très vite. Oui, il y a des automatismes et des codes, ça va très vite. Et est-ce que vous faites des œuvres originales ou si vous prenez quelques... Premier album, celui que tu as là, c'est que des reprises. Ok. Donc retravailler, réarranger. Revue et corriger, peut-être. Ouais. Concept du groupe. Ok. C'est basse, batterie, clavinette. Clavinette. Clavinette. Ok, clavinette, oh oui, ok, oui, le petit clavinette. Et exclusivement clavinette et un peu d'orgue. Okay. Rien d'autre. Clavinette dans des pédales disto, dans des choses. 2 cuivres, sax trompette et chant. Donc voilà le concept. Bring us back together forever.

that I spent for you. Think about the good things that I've done for you. Think about the bad things I tried not to do. Come on, sugar, and think, yeah. Think about the good things. C'est pas un chanteur et un band derrière. Okay. Le chanteur est utilisé comme un instrumentiste. Et les cuivres jouent du début à la fin, tout, sans adonf. Ça s'arrête jamais. Donc c'est très énergique. Et on reprend, on a pris des trucs de Roy Ayers par exemple, où il n'y a pas de cuivre chez Roy Ayers. Mais en fait, nous on n'a pas de cœur. On a réécrit toutes les parties de cœur au cuivre. On a fait ce genre de choses. Tiens, je t'ai ramené, tu vas garder deux CD. Oh, oui. Ça, les petits autocollants, ça c'est quand tu vas aux toilettes dans les trucs, tu les colles. Mais non, sur mon ordi. Ça sera bien plus visible qu'aux toilettes. Ouais. Ben oui. Hey. Ton ordi, oui. Ben oui. Sinon, moi, je l'ai mis. Parce qu'il y a toujours la veille, donc les gens vont voir ce qui se passe. Et donc, c'est beaucoup de travail encore. C'est, ouais. Surtout une semaine. Allez-vous pratiquer avant pour arriver là? Oui, oui, oui. Okay. Là, on attaque à partir de début juillet. Et là, on... ce deuxième album-là, c'est quoi? C'est encore des standards? Ou, okay. Compo. Compo. Donc, il va y avoir. Est-ce que tu travailles là-dedans? Ou, on juste, compose à plusieurs, oui. Okay. Donc moi j'aurais aimé qu'on compose en groupe, ouais. Mais comme les musiciens sont pas très disponibles. Mais surtout qu'ils font, c'est ça, ils font autre chose. Ils font autre chose, donc en fait là on a réussi à bloquer des sessions de 3 jours de travail. Okay. Donc là on commence, la première c'est la semaine prochaine. Donc on va voir comment ça évolue, on a 2 mois, moi je me suis mis, j'ai mis la barre haute, j'ai mis en 2 mois, il faut qu'on ait fait 8 compos. Okay. La barre elle est super haute, mais on verra bien si... Mais comment ça fonctionne, c'est-à-dire que là vous rencontrez un soir, vous ne savez pas à quelle heure ça finit ou... Non, okay. Malheureusement, moi j'adorerais ça, mais ça... Parce qu'il y en a qui ont des enfants... Voilà, mais ça c'est l'idéal, ouais. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'en général, moi je préfère qu'on parte en résidence en province, oh, oui, on vit ça. Ensemble, on dort ensemble... Tu vois, bon, là, c'est pas possible. On vit des expériences, c'est pété. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, en fait, on va arriver, on aura déjà tous, de notre côté, travaillé des petites choses, amené des idées. Moi, j'ai 3-4 bouts de compo, presque... Enfin, que t'as enregistré déjà? Que j'ai enregistré tout seul chez moi, avec mon clavier. Et sur un Tascam ou... Sur un ordi, ouais, okay. Tu ah vois, ouais, juste, non, bah, c'est juste moi, pour moi, avoir les... Aussi, oui. Ah bah, Tascam, c'est fini, hein, je suis désolé de te le dire. Non, Tascam, parce que c'est un Tascam. Oui. Mais c'est numérique. Voilà. Okay, ouais. Non, sur l'ordi direct. Ah ouais, okay, à la voix tranquille. Comme ça, ça permet d'éditer, tu vas monter, faire un peu ce qu'on peut. Et surtout de savoir un peu où tu vas aller. Voilà. Okay. Donc on va tous ramener des idées. Et là, pendant les 3 jours, bon, on va s'attaquer aux idées, on va voir, on va faire évoluer les morceaux en groupe. Donc ça devrait être sympa. J'attends de voir ce qui va sortir au bout de 3 jours. Ça peut être la surprise. Et tout le monde a son grain de sel? Tout le monde est déjà préparé? Ou s'il y en a à travers ceux qui vont juste peut-être improviser et ça va amener quelque chose? Eh bien, on verra. Okay. On verra. Ça, c'est pareil. C'est la magie du moment. Est-ce que... J'en sais rien. On prend le truc, on le joue. Et tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense. Tout le monde a le droit de proposer. J'ai pas envie d'amener un truc et de dire on joue ma compo. Okay, ça fait prétentieux aussi. Là. Puis, je veux faire un groupe, je veux pas faire Fred Lopez et les shows. Le travail de studio, tu adores ça, tu t'aimes être avec les copains et puis essayer de décortiquer quelque chose, d'amener. J'adore ça. Est-ce que ça doit donner une autre énergie que sur scène avec le produit fini Alors, l'idéal, c'est évidemment de travailler en studio pour composer, pour travailler, pour rechercher. Après, moi, dans le genre de musique qu'on fait, je fais des albums live. Ça, c'est un live. Et le suivant, ce sera aussi un live. Qui sera peut-être un peu édité, pas dans le sens coupé. Quand je dis édité, c'est si on a la possibilité maintenant avec le matériel, s'il y a un pain, on peut le corriger. Avant, on ne pouvait pas. Maintenant, on peut. Bon, on va pas se priver de ça, tu vois. Mais garder une énergie live, je veux qu'on recorde en live. Il n'y a pas de tricherie. Non. C'est ça, c'est pas ça. Ça, c'est un one shot. Hein. Ça, c'est un concert, un one shot terminé, c'est fait. Le public est aussi un instrument. Aussi, tout à fait. Mais quand tu travailles, qu'est-ce qui t'amène la musique? Est-ce que c'est la vie de tous les jours? Est-ce que c'est des musiciens que tu vas voir dans les bars et que tu trouves intéressant au niveau du. Ta mélodie, tu ramènes ça à la maison, tu travailles un peu ça pour modeler autrement. C'est un peu tout ça. Ouais. Bah ça s'appelle les influences après, ouais. Donc, comme... C'est un peu tout, il y a pas assez une idée qui te traverse. Parce que hier, j'ai peut-être entendu un truc qui m'a éclaté. Alors aujourd'hui, je balance mon idée, je crois qu'elle est de moi, mais en fait, pas du tout. C'est ça, ouais. Je suis un génie, tu vois. Ouais. J'ai créé un truc. Non, en fait, tu l'as entendu hier. Oui, exactement. Est-ce que tu es un amateur de radio? Est-ce que tu écoutes de radio ou si tu préfères les CD? Ouais, j'aime bien la radio, moi. Je passe beaucoup de temps dans ma voiture. J'écoute beaucoup la radio. Alors, je me balade entre... Là j'étais sur Radio FG. J'étais sur... Alors, des fois, j'écoute FIP. Des fois, j'écoute Rire et Chanson, tu vois, des chansons. Parce que des fois, ça détend aussi quand on a les bouchons. Qu'est-ce que j'entends Skyrock, tout ça, je peux pas. Je peux pas. Les animateurs qui parlent pas français et qui sont. Qui parlent de cul et mal, moi, je peux pas. De la concierté, ça. Ça, je peux pas. Et je trouve qu'aujourd'hui, sur Energy ou Skyrock, c'est à chier, quoi. C'est à chier. Après nostalgie, ces trucs-là, j'écoute pas parce que justement, je suis pas nostalgique. Non, c'est ça. Et Ginette Renault, c'est Ginette Renault. Voilà, exactement. Écoute, si elle nous entend, on peut te faire l'amour, mais peut... ou pas. Exactement. C'est à peu près ça. Ouais, faut même. Mais tu sais qu'il faut rien dire, voilà. Non. On fait un blanc. Et voilà. Blanc. Ok. On fait un montage. You got the power to make me understand, but I want you to try me. You got the power to love, darling. I told you, darling, that I would stand by your side. Power to love.